Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue d'Electric Choc, votre magazine métal du mardi soir, l'émission préférée des ORL. Car après son passage, les Larsen et les Acouphènes continuent de durer jusqu'à la semaine suivante. Mais si on y revient, c'est parce qu'on aime ça. Donc ce soir, ce qui nous attend, comme d'habitude, du bruit, de la fureur, plein de bonnes choses. Et puis aussi des nouveautés qui seront au nombre de 4, comme à peu près chaque semaine d'ailleurs. Donc petit survol sur tous les genres et sous-genres donc qui composent notre style musical préféré. Et puis aussi des petites choses en rapport avec l'actualité du moment. Eh bien, on va commencer avec ce qui a été une des grosses sorties de l'année 2025. C'est le nouvel album de Dream Theater. C'est toujours un petit événement. D'autant plus que là, c'est le retour du fils prodigue, Mike Portnoy, le batteur qui est revenu après quasiment 15 ans d'absence. Et on va se faire donc un petit, quand je dis petit, façon de parler, puisque ça fait un peu plus de 10 minutes, extrait de Parasomnia. Ce sera Dead Asleep, tout un programme. Bon, souci technique, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, toujours est-il que vous n'aurez pas le Dead Sleep de Dream Theater en entier, parce que bon, la platine ne veut pas aller plus loin. Tant pis, c'est les inconvénients du direct. Donc, on va passer à la première nouveauté de la soirée. C'est un groupe qui nous vient de Lille, qui s'appelle Bure. Alors, Bure Kesako, c'est un groupe donc qui existe depuis 2018 et qui a déjà sorti un EP en 2020, un éponyme, et un premier album en 2021 qui s'appelle Hyperbole. Alors, c'est musicalement, c'est un peu un fourre-tout. On y trouve des titres heavy, des trucs plutôt punk, par moments des trucs plutôt pop. Enfin, il y a des choses presque, des morceaux vraiment heavy metal. Ça chante en français, il y a des textes assez drôles qui oscillent entre le premier et le 15e degré. C'est vrai qu'en ce moment, on a quand même besoin de beaucoup d'humour parce que bon, la période n'est quand même pas très joyeuse. Alors, extrait de cet album, j'espère que ça va fonctionner ce coup-ci, c'est le morceau Psaume 41. Et non, bah, il ne veut pas passer non plus. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un gros souci à ce soir. Donc, bah oui, comme je vous disais, c'est les inconvénients du direct, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc, psaume 41, ça doit être bon. Je suis en retard pour rien au monde, je veux le meilleur. Vraiment très très bon, c'est Rochellois, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, des habitants de La Rochelle, de Walnut Grove, DC, leur dernier album Deeper, qui est vraiment des trucs que j'écoute le plus en ce moment. C'était Room 330 à l'instant. Juste avant, Venu du Nord, Venu de Lille, les premières nouveautés de la soirée, Bure et son nouvel album Plus Vite et Plus Fort, et c'était le psaume 41. Maintenant, je vais vous emmener faire un petit tour en Égypte. On va voyager aussi dans le temps, puisqu'on va se retrouver à l'époque de la 6e et 17e dynastie des pharaons. Si vous étiez à l'écoute la semaine dernière, vous voyez de quoi je vais vous parler, c'est-à-dire du nouvel album de Amon Sethis, qui s'intitule Part 3 Down of an Apocalyptic World. Et ce coup-ci, il va nous raconter l'histoire de la couronne rouge avec The Red Crown. Mind behind the clouds. Twilight of the God, extrait de Beyond the Red Mirror, sorti en 2015. C'était donc un extrait d'un album donc de Blind Guardian. Juste avant, beaucoup plus récent, puisque sorti il y a de ça à peu près 8 jours, le nouvel album de Amon Sethis, Part 3, Dawn of an Apocalyptic World, et on s'est écouté The Red Crown. On est en Égypte, dans le sable et tout ça. Là, on va y rester dans le sable, mais on va être plutôt dans le désert du Nevada. On va, enfin, du moins, de point de vue ambiance, mais on va retrouver donc les Lyonnais de Diesel Dust avec leur nouvel album Just Another Day et leur profession de foi We Will Never Die. Si seulement ça pouvait être vrai. There's no way. Have you forgotten? there's no way. And you'll forget us when we're growing old. Love is all today. Vraiment sympa ce nouvel album de Diesel Dust. C'était We Will Never Die, donc extrait de Just Another Day. On va se faire maintenant la deuxième nouveauté de la soirée. Pour ça, je vais vous emmener faire un tour en Suisse, découvrir un jeune groupe qui s'appelle Atlas Ashes. Alors Atlas Ashes, c'est un groupe de death metal mélodique qui vient donc juste de sortir son premier album. Et croyez-moi, ça arrache. Et déjà, il y a tout ce qu'il faut pour que, je veux dire par là, les amateurs apprécient. Vous êtes prêts? On va découvrir donc le morceau Promises or Lies avec sa petite intro Ashes. Cette séance de décrassage auditif vous est offerte par Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. À l'instant, les Lillois de Death Structure et leur deuxième album Le Déni, c'était Mental Journey qu'on vient de s'écouter. Juste avant, tout nouveau, tout chaud, deuxième nouveauté de la soirée, venue de Suisse, c'était donc Atlas Ashes qui nous présentait son premier album New World avec le morceau Promises or Lies avec sa petite intro Ashes. On va continuer maintenant avec quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll qu'on n'a déjà pas diffusé ces dernières semaines. C'est le groupe Two Sisters, un groupe de punk rock de Paris, qui vient de sortir donc son deuxième album qui s'appelle She Likes Monster. Et The Two Sisters, ils seront en concert à Orléans ou Dropkick le 28 mars prochain en compagnie de The Calamities, de Turn Off et de Yeti. Et ce soir, on va s'écouter quoi? Le titre de l'album, c'est-à-dire She Likes Monsters. Two by two, three by three, four by four. petit classique de l'âme Motown, le fameux Living Here, et bien c'était donc Motorhead sur l'album On Parole, sorti en 1979, mais qui à l'origine devait être le tout premier album qui aurait dû sortir en 1976, seulement le label de l'époque n'a pas voulu le sortir parce qu'il n'était très mécontent. Du coup, pour la petite histoire, Motorhead l'avait réenregistré l'année d'après avec un son beaucoup plus punk rock. Avec là, c'est l'album donc Motorhead que l'on connaît. Et en 79, comme le groupe commence à avoir du succès, Business is Business, United Artists ressortait donc cette petite rareté. Voilà. Donc bien rock'n'roll. Juste avant, bien rock'n'roll aussi. Donc Two Sisters avec leur deuxième album She Likes Monsters. C'est donc le titre qui donne son titre à l'album qu'on vient de s'écouter. Je rappelle que donc Two Sisters sera donc le 28 mars prochain au Dropkick à Orléans en concert. Maintenant, allons faire un petit tour dans les forêts norvégiennes avec retrouver une ambiance chamanique, ambiance de viking avec Wardruna et son album Birna. Et on va s'écouter, excusez-moi pour la prononciation, Lifjaberg. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Si quelqu'un parmi vous connaît le norvégien, et voilà, je serais peut-être un peu moins idiot ce soir comme ça. En attendant, on l'écoute. Déjà une heure d'Electric Shock passée en votre compagnie, comme ça passe très très vite. À l'instant, donc, Wardruna avec Leif Jaberg, extrait donc de son album Pirna, qui est sorti fin janvier. Eh bien, on va attaquer donc la deuxième heure d'Electric Shock avec une nouveauté, la troisième de la soirée. Je vais vous inviter à découvrir un groupe américain qui nous vient de Boston, qui existe depuis 2016, qui s'appelle donc The Watcher. Alors, The Watcher, ils ont déjà sorti un EP il y a quelques temps, qui, je ne sais plus comment il s'appelait déjà, enfin bref, qui s'est You Turn to Die, il y a 3 ans. Alors, The Watcher, comme on peut dire, c'est un groupe de proto-doom avec du heavy. C'est tout à fait dans ce qu'on appelle la lignée de la New Wave of True Heavy Metal. Donc, c'est-à-dire vraiment un son typiquement années 80 avec des petits riffs secs et nerveux comme à la grande époque. Mais avec une attitude un peu plus moderne. Alors, ce premier album s'appelle Out of the Dark. Et je pense que vous allez bien aimer le Strike Back qui va suivre. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Yeah. pur heavy metal, hein, ça fait du bien de réécouter ce style. C'était le groupe Rampart avec le morceau June 22, extrait de WW Second Memories for the Futures. Alors Rampart, c'est un groupe qui nous vient de Bulgarie, qui existe depuis 2006 et qui a déjà sorti 5 albums. Celui-ci est leur 5e et le dernier qui était sorti en 2021. Et il est dédié en fait à la Seconde Guerre mondiale, puisque chaque chanson parle d'un épisode de la Seconde Guerre mondiale. En l'occurrence, ce 22 juin, c'est tout simplement le 22 juin 41. Attaque de la Russie par l'Allemagne nazie. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a peut-être besoin de se rappeler un petit peu ce qui s'est passé au siècle dernier. Ça ne nous fera peut-être pas de mal non plus, parce que l'histoire a peut-être tendance un petit peu à se répéter en ce moment. Enfin bref. Venu des States, par contre, juste avant, c'était donc la troisième nouveauté de la soirée, devenue de Boston exactement, et leur premier album, c'était The Watcher avec Strike Back, qui est extrait donc de leur premier opus, Out of the Dark, qui est sorti donc en tout début d'année 2025. Et bien maintenant, revenons un petit peu au groupe Tungsten, groupe de métal breton, qui a sorti donc son troisième album Chronicles of the Living, que je vous ai présenté la semaine dernière. Et là, on va s'écouter Starting All Over. I can't do whatever I want. Watch again, be in my head. I don't see the things to be around today. In the darkness of my heart, let me back to my destiny. I'm not so far. Running out of time, so much of it drives. I am not ready to come back. Stay up, what will be? Les Nantais de Stinky avec un extrait de Solace, leur quatrième album sorti il y a de ça 15 jours, en tout cas c'était Grass Snakes, un morceau où figure Lou Coller, le chanteur de Sick of It All, quand même, excusez du peu. Lou Coller qui apparemment en ce moment a de gros ennuis de santé, tout le mal qu'on peut lui souhaiter c'est de s'en sortir et qu'il nous ressorte un nouvel album, ce serait super pour lui j'imagine. Juste avant Stinky, c'était Tungsten avec leur troisième album Chronicles of the Living. C'était le morceau Starting All Over qu'on s'est écouté. On va continuer avec Mark Tremonti et son nouvel album solo qui s'appelle The End Will Show Us How. Mark Tremonti qui continue son petit bonhomme de chemin en dehors d'Alter Bridge avec son Alter Bridge bis, on peut dire. Et on va s'écouter The Mother, The Earth and I morceau donc, qui ouvre cet excellent nouvel album, son cinquième en solo. putain que c'est bon, ça j'ai adoré, vraiment. Mammoth WVH, oui, Wolfgang von Allen avec son deuxième album intitulé tout simplement, sorti en 2023. Ça, c'était vraiment un des coups de cœur de l'émission cette année-là. C'était Like a Pastime. Juste avant, donc, Mark Tremonti et son nouvel album solo, The End Will Show Us How. C'était The Mother, The Earth and I. Et tiens, pour l'anecdote, il y a quelques années de ça, Wolfgang von Allen jouait avec Tremonti, je crois qu'il figure sur l'album Cotterai, si mes souvenirs sont bons. Il avait joué aussi sur la tournée et sur l'album. Et bien maintenant, comme on va bientôt attaquer la dernière demi-heure d'Electric Shock, je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. On va se faire donc la quatrième et dernière nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous vient de Versailles qui s'appelle After Us All. Alors After Us All, comment expliquer ? Ils ont sorti, c'est leur premier album qui vient de sortir, qui s'appelle Rebirth. C'est un groupe de métal, on va dire mélodique, à chanteuse. Quelque part, on n'est pas, des fois pas loin des choses genre Within Temptation, ce genre de choses, et aussi de bien d'autres choses aussi, parce que par moments c'est un peu plus pop. Enfin, il y a plein de choses intéressantes sur ce premier album, comme vous allez pouvoir le constater avec le morceau de ce soir, qui est, je regarde ma petite liste, c'était Empty Space, avec lequel on va découvrir. Charlotte Wessels avec son troisième album solo, The Obsession, donc l'ancienne chanteuse de D-Lane, avec ce morceau-là, Dopamine, qui figure aussi Simon Simmons, la chanteuse donc d'Epica. Juste avant, quatrième nouveauté, bien près de chez nous, enfin, pas tout à fait, mais presque, de région parisienne, puisqu'ils nous viennent de Versailles, c'était After Us All et leur premier album Rebirth, et on a eu droit au morceau Empty Space. Maintenant, tiens, on va revenir au groupe ISI Hate, groupe de Clermont-Ferrand, de rock alternatif industriel. L'album s'appelle The Convolution Encores, et on va se faire une petite chose qui s'appelle Pillbugs. Ah, j'ai dû me tromper de morceau parce que j'avais compris que non. We'll be right back. Interesting Times, extrait donc de The White Noise of Ignorance, le nouvel album de New DT. Juste avant IS I Hate, c'était Pill Bugs, et c'était un extrait donc de The Convolution encore. On va revenir au premier album de Liquid Bear, si vous voulez bien, qui s'appelle Second Life. Et on va se faire un titre bien heavy qui s'appelle donc Farewell. Yeah. Shrine of Love, les Nantais de Cornucopia avec un extrait de leur The Midnight Hour EP. Juste avant, c'était Liquid Bear avec Farewell, extrait de Second Life. Alors, mea culpa, parce que quand j'écoutais chez moi, ça sonnait beaucoup plus vite que ça. Je sais pas pourquoi j'ai noté ce titre-là. Enfin, toujours est-il que bon, ça faisait un contraste assez sympa quand même, malgré tout. Bon, il nous reste quelques minutes, donc on a le temps de se faire un dernier morceau. J'ai appris la semaine dernière, comme peut-être certains d'entre vous, le décès de Coburn Farr. Alors, Coburn Farr, c'était donc le chanteur, un des chanteurs de Annihilator. Mais celui-ci est quand même important parce qu'il a quand même chanté sur l'album le plus connu et le plus vendu du groupe canadien. C'est-à-dire sur Neverland. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de les voir en concert à l'époque. Puisque Annihilator faisait la première partie de Judas Priest et c'était même Pantera qui ouvrait avant même Annihilator quand même, excusez du peu, sur la tournée donc Painkiller. Donc évidemment cet album est un classique du thrash puisqu'il est toujours joué régulièrement. Pas mal de morceaux de cet album sont toujours joués comme I Am In Command ainsi que le morceau titre qui est Never Neverland, et c'est le morceau d'ailleurs qu'on va se passer, extrait donc de cet album sorti en 1990 en hommage donc à Coburn Farr. Nothing's unbelievable if you have the nerve to experiment. Annihilator avec Never Neverland, extrait donc de l'album du même nom sorti en 1990. Et ça, c'était donc un hommage à Cobb Bernhardt, qui était donc le chanteur à l'époque du groupe. Et c'est également donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Donc on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métalliques. Mais amoureux du dance floor, et oui, il est de retour. Electro Live est là. Christophe est de retour. Donc je pense qu'il est en pleine forme. Enfin, bon, on va voir. Comment vas-tu ? Salut Christophe, comment vas-tu ? Salut, bonsoir à toutes et à tous. Ça va mieux. Ta meilleure voix que tout à l'heure déjà. Je pense que ça dépend des moments en fait. L'idée de mixer t'a redonné un coup de fouet et d'adrénaline. On verra si j'ai la pêche. Donc profitons-en pour les deux heures qui suivent. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour dans Electro Live ce soir ? Ouais, une reprise avec de l'EDM, une heure de dance et puis après de la tech house. Voilà. Donc, la musique continue sur Radio Arc-en-Ciel. Vous savez ce qu'il reste à faire, c'est de rester branché et d'écouter Electro Live. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!